C'est maintenant le temps du bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien, et on va commencer ça avec un beau souvenir, oui. Je vous invite premièrement à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, et il y a un petit topo sur le festival du Voyageur de Winnipeg, et aussi on interview trois membres de la formation Madrigaya, qui à l'époque ont fait beaucoup de spectacles au Festival du Voyageur. On rencontre Marie-Claude McDonald, Dominique Reynolds et Andrina Turenne. Donc, assez intéressant comme petit topo. Et je vous invite à aller regarder ça. Et c'est les chansons, oui, je dis bien les chansons souvenirs, qui va débuter le bloc de l'Ouest parce que j'ai décidé, j'aime tellement Madrigaya, j'ai décidé d'en passer deux. Donc, de leur album Viva Voce, il y a la pièce qui s'appelle Ritournelle. Écoutez la prestation vocale de cette chanson-là est vraiment là, étourdissant, mais c'est magnifique. Ritournelle, ça s'en vient dans quelques instants. Par la suite de l'album Pléiade, on va entendre une chanson. Ils ont repris une chanson de M. Edmond Dufort. Ma belle étoile, vraiment de toute beauté, belle prestation de cette chanson-là. Et tant qu'à parler de M. Dufort, pourquoi pas l'écouter, ce cher Edmond, avec tiré de son album La Ciel ouvert. Je vais jouer la pièce Les Anciens, et oui, pas Les Terres du Whitechall que j'adore énormément, mais bel et bien Les Anciens, qui est une autre bonne pièce de l'album Ciel ouvert de M. Edmond Dufort. Mais pour l'instant, assisez-vous. Montez le son de la radio et écoutez des voix divines, vraiment Madrigaya et Ritournelle. Une ritournelle fait la fête tout au fond de mon être. Elle se montre blanche et lumineuse comme le jour. C'est bien facile. Une ritournelle fait la fête tout au fond de mon être. Elle se montre blanche et lumineuse comme le jour. C'est bien facile. Une ritournelle fait la fête tout au fond de mon âme. Elle se montre blanche et lumineuse comme le jour. C'est bien facile. Une ritournelle la fête tout au fond de mon âme. Elle se montre blanche et lumineuse comme le jour. Thank you. cherche longtemps comment t'aimer. Dors bien, car la nuit te garde. Laisse-toi briller, ma belle étoile. Tu vas bientôt nous dire qui tu es. Je t'ai vu dans ta souplesse, t'évader de ma tendresse. Toi qui cherches longtemps comment t'aimer. Dans ma famille, tous on ne vivait que dans notre petit village, que dans nos petits coins. Cours dans les montagnes, cours dans les plaines, cours dans les savanes, cours chez les anciens. J'ai rencontré un jeune Vietnamien. Il me montra que je ne savais rien. J'ai rencontré un vieil autochtone. Il me disait des mots qui résonnaient au fond de mon âme. Yeah. faire pour demain et pour ce qu'on laisse tomber. Quand je m'endors, c'est mes rêves qui me dirigent vers un nouveau matin, un nouveau paradis. Les Anciens, très bonne chanson tirée de son album À ciel ouvert, très bon album avec de très bonnes chansons sur cet album-là. Donc, c'était notre bloc souvenirs de l'Ouest canadien. De souvenirs, allons-y en nouveauté, si vous voulez bien. Ça fait quand même une secousse que le petit EP est sorti, mais on nous présente un nouvel extrait de l'album de Véro, de la Saskatchewan. Et c'est la pièce Ma Parade. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant de cette chanson-là. J'adore. Et on va entendre aussi Rosie and the Riveters, qui est en fait le groupe de Alexis Normand de la Saskatchewan également. Son groupe anglophone. Mais là, ils ont décidé de faire une chanson en français. Et la différence entre Alexis Normand et Rosie and the Riveters, c'est tout simplement que c'est plus soul, c'est plus R&B, mettons, que folk, mais c'est quand même intéressant. Et on va terminer ça avec Pontex, Faux Pas, nouvel extrait de Pontex. C'est ma parade à l'horizon, celle où toutes les filles se baladent. C'est aussi là où je devais être pour chanter cette chanson à ma parade. Tu n'es pas là pour quelle raison? À ma parade, où il me manque un garçon. Des petits papiers, j'écrirai ton nom famille et je les collerai sur les trombones de la fanfare. Et là je danserai en ligne et sur la pointe des pieds. C'est ma parade, même si t'aimes trop ton saxophone. C'est ma parade, avec moi la bouffonne, moi la prise en contrôle. Tu peux critiquer, piquer des poupées, je n'échangerai pas nos rôles. Prends garde et regarde comment tu tournes en rond. Quand je ne cède pas, n'abandonne pas, j'ai retenu ma leçon. Vos milliers de couteaux, d'injures et de mots sont plantés dans mon dos. Et moi pourtant, ce que j'entends, c'est combien il fait beau. Toi devant, prends garde et regarde mes yeux sur l'objectif. Malgré les murmures, tu me censures, ce n'est pas toi, chérif. Prends garde et regarde, dis-moi ce que tu vois. Quand tu me rabaisses, crois me mettre en pièce, tu ne m'impressionnes pas. Vos milliers de couteaux, d'injures et de mots, sont plantés. Payer trop cher des compromis. Pour vous plaire, je me suis perdue, disparue sans faire de bruit. J'ai vu la fin de ma vie dans votre monde trop petit. Plus jamais j'en ferai partie. Maintenant que je sais ce que je suis. Tu as beau prêcher, tu peux même cracher, plus rien de vous ne me touche. Prends garde et regarde, ton beau sourire en coin n'a plus rien d'une arme et aucune larme ne croisera son chemin. Vos milliers de couteaux, d'injures et de mots sont plantés. C'est en barbouillant le blanc.